Chapitre 302. L'interdiction de se lamenter sur le mort, de se frapper le visage, de se déchirer les vêtements, de s'arracher les cheveux, de les raser et d'appeler sur soi le malheur. 1657. D'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le mort est tourmenté dans sa tombe à cause de ceux qui se lamentent sur lui. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, « Tant que l'on se lamente sur lui. » 1658. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « N'est pas des nôtres celui qui se frappe le visage, déchire ses vêtements et appelle le malheur sur lui comme à l'époque païenne, Jahiliya. » Al-Bukhari et Muslim. 1659. Abu Burda relate cet épisode. Abu Musa, radiyallahu anhu, ressentit un jour une telle douleur qu'il s'évanouit, alors que sa tête était posée dans le giron de l'une de ses épouses. Elle commença alors à crier, mais Abu Musa ne trouva pas la force de l'en empêcher. Quand il reprit connaissance, il lui dit « Je renie ce que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a lui-même renié. » Il, alayhi salatu wassalam, a en effet renié celle qui se lamente en hurlant, qui se rase les cheveux et qui déchire ses vêtements. Al-Bukhari et Muslim. 1660. Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Le mort sur lequel on se lamente sera tourmenté à cause de ses lamentations le jour de la résurrection. » Al-Bukhari et Muslim. 1661. Umm Atiyyah, Nusayba, radiyallahu anha, a dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a pris notre engagement lors de notre serment d'allégeance de ne pas nous lamenter sur nos morts. » Al-Bukhari et Muslim. 1662. D'après An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, s'évanouit un jour et sa sœur se mit à pleurer et à faire son éloge en s'exclamant notamment « Ô toi, qui étais pour moi comme une montagne !» Reprenant conscience, il dit « Tu ne m'as pas attribué une seule qualité. Sans que l'on ne me demande, sur le ton du reproche, avais-tu vraiment cette qualité ?» Al-Bukhari. 1663. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accompagné de Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, se rendit au chevet de Sa'd ibn Ubada. En entrant, il, alayhi salatu wassalam, trouva Sa'd évanoui. « Est-il mort ? » demanda-t-il. « Non, ô messager d'Allah, » lui répondit-on. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se mit alors à pleurer. Voyant cela, les gens en firent de même. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Écoutez attentivement. Allah ne punit pas pour les larmes que versent les yeux, ni à cause de la tristesse que ressent le cœur, mais il punit, ou il fait miséricorde, pour ce que dit ceci. » Et il indiqua sa langue. Al-Bukhari et Muslim. 1664. D'après Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si la pleureuse ne se repent pas avant de mourir, elle sera ressuscitée le jour de la résurrection, portant un vêtement de goudron et un autre de gale. » Muslim. 1665. Asid ibn Abi Asid, l'un des successeurs des compagnons tabi'i, rapporte qu'une des femmes qui ont fait allégeance au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Parmi les engagements que nous avons pris envers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et consistant à ne pas lui désobéir dans les choses qu'impose l'islam, figurait le fait de ne pas nous griffer le visage, ni appeler le malheur sur nous, ni déchirer nos vêtements, ni nous arracher les cheveux. » Abu Daoud avec une bonne chaîne. 1666. Abu Musa, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque quelqu'un pleure un mort en disant par exemple « Ô toi qui étais pour moi comme une montagne, ô toi qui étais mon recours !» Allah charge deux anges de pousser ce défunt en lui assénant des coups de poing sur la poitrine et en lui demandant sur le ton du reproche « Étais-tu vraiment ainsi ?» At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 1667. Selon Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Deux choses chez les gens sont une forme de mécréance. Mettre en doute la filiation d'une personne et se lamenter sur les morts. Muslim.